Il fait bon. On est content, hein. Ça fait au moins 3 mois qu'il n'y a pas plu. On va tous crever dans la canicule, ouais. Sauf dans le studio de Radio Campus où il y a la clim. Grâce à son rendu. Il y a trop la clim, ouais. On va la couper. On est au rayon réfrigérateur. Moi j'ai envie de transpirer. Vous allez aussi transpirer pendant ce Pyongyang City Rockers numéro, je ne sais plus combien, 394, ouais, c'est ça. 394. Merci Célio. De rien. Et puis il y a Jamo qui nous a ramené des choses. Ouais. Ouais, c'est je vrai. Je vous ai ramené des choses. Bon. Il me dit ça, putain, ça, tu fais un peu peur là quand tu un me regardes comme ça. Un peu différent, des choses un peu différentes. Ouais, bah moi aussi j'ai des trucs différents, mais pour l'instant, je réponds préventivement aux gens qui se sont peut-être demandé pourquoi sur le flyer de l'émission de cette semaine, diffusé sur tous les réseaux sociaux, des plus mauvais aux meilleurs, il y avait un Netanyahou qui s'exprimait en anglais pour répondre à Macron. Il lui disait son admiration. Ouais. Il lui disait « Don't think about it, do it ». Oui, c'est une référence. Une référence à ce qui va passer maintenant, qui n'est pas l'original. C'est une reprise par Rollins Band à la fin des années 80 d'un vieux truc des Pink Fairies que je passerai peut-être un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, voici « Do it » où il exhorte tout le monde, le Henry. Il exhorte tout le monde à faire ce que vous avez à faire et arrêter d'y penser puis faire des plans et tout ça, allez-y, boum, rentrez dedans, ouais. Saquez dans la butte comme des gros bourrins, do it par Rollins Band. Non, alors, hein, c'est Pyongyang City Rockers 394, Célia. Tu vas bien? Bah ouais, toi. Tu vas mieux qu'hier, que la semaine dernière? Bah ouais, carrément. Hier, là-bas. Bah moi, je vais repasser un morceau qu'il me restait de la dernière fois. C'est un groupe de lo-fi garage punk de Zagreb qui s'appelle Dad Joke. Ouais, j'aime bien. Ils ont sorti une cassette chez le label dont j'ai parlé aussi il y a 2 semaines qui s'appelle Jolly Turtle. La cassette elle s'appelle How many songs can you handle this night? Je trouvais ça rigolo. Bon, c'est sorti fin mars 2024 Et le groupe s'appelle Dad Joke et apparemment c'est un vrai groupe avec Fête Papa. C'est bien, il faut. Et donc on écoute tout de suite Molto Stupid de Dad Jokes. C'est frais, c'est ouais, agréable. Bien. Ouais, moi je vais vous passer Nightcrawl, ça vient de Dublin. C'est du post-punk synth pop et ça vient de Bad Tripides. Alors la chanson c'est Lost Highway et en gros sur il y a YouTube. Putain. Qu'est-ce qu'il dit YouTube ? Un truc rouge et je sais pas quoi. C'est pas grave. Ouais, alors il dit qu'il a écrit cette chanson à propos du sentiment de disparaître, aller dans l'autre monde, you know, tu sais, et tu peux juste te déconnecter de toi-même sur une route où tu peux oublier tout. Tu es et tu seras et tu étais. Voilà, enfin gros. Ouais, ouais bref, il raconte le fait que quand ouais, on a eu David Lynch. Et puis il va sur autoroute. Ouais, on a eu David Lynch avec Lost Highway et là ça vient de Dublin, c'est. Nightcrawl. Nightcrawl. Oh non. Sur Radio Campus. We'll be right back. une petite balade. C'est vrai que tu passes pas souvent des trucs comme ça, toi. Bah ouais. Parce que c'est à la mode, en fait. T'aimes pas quand c'est à la mode. Ouais, bon, je vous présente des Israéliens qui se compliquent la vie. Ils sont opposés à leur gouvernement, qui est quand même démocratiquement élu, hein, mais ils sont aussi opposés à l'apartheid qui frappe les Palestiniens. Ils sont opposés au génocide à Gaza, donc ils participent à des actions qui les mettent un petit peu en délicatesse avec leur gouvernement rempli de fascistes. Du coup, quand ils font une petite tournée en Europe, bah, pour eux, c'est des vacances, hein, voilà. Il faut les soutenir, il faut aller discuter avec eux. Ce vendredi, ils seront au bout de nos rêves. Attendez, je retrouve l'annonce. Elle est là, sur Spunkpower, bien sûr. Ils feront partie du ticket de la première journée des 5 ans du bout de nos rêves. Ça fait, existe déjà depuis 5 ans, le BNR, sa mère. Et donc, il y aura Holocaust, ce groupe israélien de Chaos Crust Punk dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y aura aussi Tekiro Matar, un groupe punk de Bilbao, mais qu'est-ce qu'ils ont les Basques à tous se pointer en ce moment dans le coin? Bah, ils ont trop chaud chez eux, du coup ils viennent en tourner chez nous. Comment il fait chaud aussi. Mais... Il y aura aussi Wave of Fear, bon, ils sont pas loin, ils font pas du rax punk, ils font du raw punk. Bon, ouais. Et puis un groupe, un autre groupe belge de noisecore, qui s'appelle Kumit Noise Terror. Ça veut dire quoi, Kumit? Je vois, à Dono. Tout ça, c'est au BNR. C'est vendredi qui arrive. Ça commencera vers 18h. C'est 10 euros par soirée. Et puis, si vous allez aux deux, la deuxième, je le dirai après ce qu'il y a. Merde, il y a Dirty Old Matt, la société La Mauvaise. Non, merde, pas la société. Enfin, bref, eux. c'est le lendemain. Bref, en tout cas, c'est 17 euros pour les deux. Bah, tiens, je peux regarder directement où il est, le truc. Et donc, le deuxième soir, il y aura les Fossoyeurs Sceptiques, imbéciles, et Plunks, c'est des Tournaisiens, je crois, que j'ai jamais vu. Ils font du punk. Et puis il y aura peut-être d'autres groupes, mais on sait pas encore quoi. Donc voilà, en tout cas, voici Holocaust qui nous cause de quoi déjà, de quoi il y a. Holocaust qui parle de la danse des démons. On va aller savoir s'ils décrivent les gens qui dirigent leur pays. En tout cas, voici, attendez, en hébreu, ça se dit Rikud Rashadim, et c'est Holocaust. We'll be right back. C'était Holocaust, les Israéliens, qu'on pourra retrouver normalement au bout de nos rêves ce vendredi. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sont aussi annoncés à Gand, au Landeux, enfin, avec Wizards of Oi et Subhumans. Mais comme ce concert-ci est sold out, de toute façon, c'est même pas la peine que vous y alliez, sauf si, bien sûr, vous avez déjà acheté un Tixon. Sinon, bah, faut aller au BNR à tourner, c'est plus près de Lille. Enfin, puis si vous habitez plus près de Gand, bah, faites ce que vous voulez, hein, on s'en fout. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 394 sur Campus 6,6 et c'est à vous. Moi je vais vous parler de Patient Zéro. C'est un groupe de punk de Tours avec des anciens membres de Sueur Froide et de Daily Mind Distortion. Ils viennent de sortir un EP en cassette qui est disponible chez notre label cassette préféré de Lille, Dirty Slap Records. Ouais, Dirty Slap. Le visuel, il a aussi été fait par un Lillois, notre Barreto National. Et ils ont enregistré avec Jackie à At The Movie Studios. Du coup, un bon... Ouais. Un bon réseau de punks. Ouais, s'il n'y a pas Lille et puis la Bretagne, qu'est-ce qu'il reste? Bonne question. Je dis Lille, non, le Nord Pas-de-Calais. Ils avaient déjà une démo à leur actif qui date de 2022 et on écoute tout de suite Souvenir Noir, titre éponyme de l'EP de Patient Zéro. every now and then I get tired. Tired of arguments, tired of battling, tired of the whole bloody mess. Sa gueule, hein, c'est ouais. Human Obliteration. Ils vont jouer mardi prochain au Pits à Courtrai. Ça va être bien bagarre aussi avec un autre groupe. Ceux-là viennent de Sacramento. Ils font du Grand Coast, comme vous avez pu le constater. Et puis il y aura aussi Days of Desolation, le 10 bits qui vient de quelque part en Flandre profonde. Ça sera au Pits à partir de 18h30 mardi prochain. Voilà. Bah là, on va rester en France. Je vais vous passer un titre issu de Manifest Electronic. Tu crois que t'as le droit de faire ça ? Ouais, ouais, je pense bien, ouais. Bon. C'est un hommage du mouvement électro-alternatif aux Berruriers Noirs. Oh là là. Ouais, j'aime bien quand même. Je me pose des questions. Hein. Mineur en danger par le peuple de l'herbe. On y va. J'aime bien ce grand saut entre Human Obliteration et puis Peuple de l'air. C'est clair. Il y a un moment, j'ai failli couper. Hein. Je croyais que le disque était rayé. Puis je me suis souvenu que c'était un MP3, donc ça. Ouais, les MP3, c'est ça. Et j'ai eu un peu de mal à y retrouver mon berruyer noir que je connais un peu quand même. Ouais. Même si ça me fait un peu rire maintenant. Vous écoutez Pyongyang Steel Rockers, numéro 394. Bonsoir à Gaël qui nous écoute et qui prodigue ses encouragements de loin. Moi, je vais vous parler de Nao. C'est un groupe de punk hardcore basé à Brême, en Allemagne, avec des membres originaires du Brésil, de Colombie et d'Allemagne. Rien que ça. D'ailleurs, dans le membre allemand, il y a le batteur de Vitamin X dedans. Ok. J'étais là genre... ça chante en portugais. Ils ont sorti une démo en 2023 en cassette et en LP sur plusieurs labels, dont Brainwasher Records, c'est un label de Hambourg. Il n'y a pas un morceau acheté, je trouve, sur la démo. J'ai trouvé que tout était bien. Et on va écouter Crimé Nucléaire et Medo de Nao. J'ai pas peur, moi. Je pars à Lyon, hein, et où il y a un groupe qui s'appelle Big Mouth, qui a sorti ACAB, ACAB, mais attention, c'est All Concerts Are Bastard, Boring. All Concerts Are Boring. Mais enfin, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Explication, quand tu lis le texte, parce que quand même, il y a le texte. Chemin qui se fait vieux. Du coup, il dit qu'il s'emmerde dans tous les concerts. Bon, et puis donc il dit que ouais, maintenant j'irai plus, je passe le flambeau aux jeunes qui ont encore ce feu qui brûle en eux. C'est très bien, hein, moi je dis c'est très bien, hein, c'est pas comme tous ces vieillards chenus, incapables de bouger, qui continuent de squatter dans les salles en buvant de la Jupi Zéro. Suivez mon regard. Bref, place aux jeunes. Et voici donc Big Mouth, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps, là, et ça se dit donc All concerts are boring. Oui. Finir, comment allez-vous? Ouais. On se parle là entre les pendant les chansons. T'as vu? C'est à moi. Ah oui, c'est à moi. C'est à toi. Non mais oh. Ça passe trop vite. Moi, je vais vous passer le groupe qui s'appelle Disquette. Ça s'écrit D-I-S-K-E-T. C'est un groupe de power pop de New York. C'est assez récent comme groupe. Ils ont sorti une démo qu'on peut retrouver sur le camping des groupes en tapant Disquette NYC. Je trouve ça frais, ça donne envie de danser, c'est sympa. On écoute tout de suite Lobos à Pensar de Disquette. We'll be right back. C'est vrai que c'est frais. Fade out. Ouais, bien. Toujours, toujours le fade out. Ouais. Vous écoutez Pyongyang Steel Rockers, numéro 394. J'en finis avec mes concerts. Et bien sûr, j'ai perdu mes notes, donc c'est le bordel. Oui, qu'est-ce qui va passer ce dimanche au Watermoulin? Ça sera Mad Dog. Encore un groupe de Melbourne. Alors, on dit que dans le coin, ici, autour de l'île et Nord-Pas-de-Calais, il y a plein de groupes. Mais alors, en Australie, ils ne font que ça. Tout le monde fait des groupes, même les petits vieux. Ouais. Et donc, ils seront ce dimanche Watermoulin à tourner en compagnie de Crack Park, The New Egg Punk Band, dans lequel il y a Otis. Ah ouais. Eh ouais, les gars. J'ai pas encore vu, donc je sais pas ce que ça donne. Et puis, pour l'instant, on n'a pas de musique à se mettre sous la dent. Donc, je vais en rester sur Mad Dog qui vont nous faire Paranoid at the Checkout. Il le dit mieux que moi pendant la musique. Ouais, ils s'amusent. Hein. Ça sera dimanche à tourner. Ah bah, comment allez-vous? Sympa. Ça va très bien. Oui. Alors, je vais vous passer un peu de drum and bass. Putain, mais alors, toi, c'est le grand écart. Hein. Ouais, là, c'est vraiment. Ouais. Alors, c'est MC Bellyman avec le DJ Kesman et ACMC et DC. Et chez qui, Chaud? C'est encore des Irlandais? Ah, ça vient de Dublin, mais ils font de la musique anglaise. Ah bon? Ouais, la drum and bass, ça vient de Bristol. Putain, ah ouais. Ouais, enfin, Bristol, c'est pas tout à fait l'Angleterre. Bristol, c'est Bristol. Bristol, c'est Bristol. Comme Hambourg, c'est Hambourg. Brest, c'est Brest. Oh, voilà. Lille, c'est Lille. Ouais. Il y en a qui sont pas convaincus, mais c'est vrai, t'as raison. Et voilà, MC Bellyman. En avant. No, we can't, we can't get the habit. No, we can't get the habit. No, we can't get the habit. Can't get the habit with the drum and bass addicts. We can't get the habit. No, we can't get the habit. No, the one where I could quit my job and do this for a living. They're saying that I'm bringing it, but truth is that I'm winging it. If clever content was erased, then lyrically I'm winning it. Technical material, I'm a lyrical miracle. I murdered every step because my killing is serial. Technical material, I'm a lyrical. one key to have it. I'm addicted to the drums, I'm addicted to the bass, I'm addicted to the vibes, I'm addicted to the race. I'm a drum and bass junkie, I don't wanna kick it, I don't want no help, I'm proud, I admit it. When you're in, you gotta live it, I'm never gonna quit it, I'll never keep the habit. I'm a drum and bass addict, I'm a DB addict, from way back with old school like Jurassic. It was like automatic, from wicked to wicked, jungle's massive. But the scene was locked up, so I left for a bit, then rapping it popped off. I told the world of my team, look back at D&B and that scene. The scene was opening up a bit, so I might as well get up in it. Took a long time, but I'm loving it. Went through enough pain and suffering. 8 years later, best breakthrough with a diary, that's full. Haters wanna block it, the fuck are you? You don't run shit, you ain't Vindaloo. For the darkest death, the emergence, recharge full of electric, energetical surges. Throw a lyric up in the air, it's at his first service. Living to rest, I get urges. As soon as I wake on the surface, put an MC down under that surface. Crummy, a man like a furnace. With lyrical fire, I burn this. Deed delivers that first class service. Back to back, make it MC feel sick. Good brain, look a big bag of herbis. These rocks solid, just like a curvis. Ready for war like a service. Lit up around like curfis. Don't give a shit with verses. Bars be big like curses. These barred up with the verses. Live at MC needing nurses. Forget that, see I'm leaving hearses. Well connected with travellers, Turkish, Albanians, Irish, Kurdish. If a man messes up with the work, my call screech out of the murkiest. Five man jump out, couple circuits. Getting intense like circuits. Like book ever 6 a.m. on an ice cold day on a wet grass surface. Girls wanna know where the girth is. I'm giving big pain like birthes. Belly set me this banger. I was like, wait, I'm gonna hurt this. When I was younger, I had this girlfriend Lucy. Was a celebrity, but movies were well juicy. After her, I seen this girl called Tracy. She was pretty, but that bitch was too facey. After her, I seen this girl called Stacy. Face was brainwashed, but body well tasty. After her, I leave this girl called Cassie. I never f***ed her cause that girl, she was crazy. After her, I leave this girl called Dina. We smoke weed and we both get leaner. Finish up, I leave this girl called Karina. She got to eat with this girl called Katrina. Strip their clothes in the back of the Beamer. Heat up the seat, hot like a steamer. Then we link up this girl called Natasha. She was fit, but a bit of a clinger. It's a rave for a lot of screamer. You're a slave for the skirt of Manchina. Your love went deeper than a diver. She treated you like Jimmy Savile. Treating minors, bitch. You ain't get me under your thumb. Just cause you got a big bum and a pretty face and big breasts, I could care less. Say the wrong thing and I'll disappear like JLS. Onto the next chat with a big back off like Kanye West. She had a big bum, but a bus face made my dick come. Numbers rating stuff on my face. Saying that she's a mama and I'm the father of a son. How could it be so dumb? But wait, I swear I used a rubber. This bitch is bait, trying to trap me with child support, taking me to court. I said, Jeremy Kyle, bitch. I'm giving you naught. The DNA test, they read negative. Thank God I'm on sedatives, or I might not let it live. Let me introduce myself, I'm Maddie V. I knock and tell already, I know you've heard of me. I'm seeking my redemption, I'm a girl, I need attention. Your flows, your lyrics, your bars are weak, just like your web connection. And I'm productive, but my mind has been corrupted. Started off as fun and then it suddenly erupted. People keep saying that I'll get far, cause I'm Formula One like a race car. When I spit, I tell my story. Lost on my travels, I'm finding jewelry. I reached another point and I started another chapter. Connecting me to you like a portable adapter. Changing my views, changing my perception. Changing my life, but that wasn't my intention. I started off afresh when I got that first reaction. Mighty V, and then I made a plan of action. Went through some dark shit I didn't handle well. Every night I was sitting at San Miguel, thinking that man banged my girl. But I woke up from that bad dream. Now I'm so sweet like Canderel. My powers like I'm a banger girl, so I rang Michelle. Went to the door in Camberwell. When I rang the bell, she opened it, was like, come in. It's not just me, I'm with Chanel. I was like, that's calm, but let me warn you, the devil's here and I bring the hell. Banged the well, when we was done, she made me a toastie with ham as well. She was like, you stay for dinner too. Made a banging roast, it was lamb as well. C'est qui la dame qui chantait ? Mehdi V. Ah voilà, parce que sinon, quoi, bah ouais, on a failli la revisibiliser et ça n'aurait pas été très correct de la part de Pyongyang City Rockers que vous écoutez. Elle déchire tout. Ouais, absolument. Il reste encore 9 minutes. On a encore le temps de passer plein de trucs, c'est vachement bien. Ouais. T'as vu ? Bah, moi, j'ai un truc de 3 minutes déjà. je vais vous parler de Ursa. C'est un groupe qui mélange New Wave, Post-Punk, Sound-Punk, qui vient de Dijon. On y retrouve des membres de Litige, de Gummy Bird ou Robotnikka. Ah ouais. Je vais vous lire la description faite par Cool Marriage Records, qui est le label qui a sorti leur LP, qui s'appelle L'Esprit de la Teuf, qui est sorti en 2019. Si Devo braquait une pharmacie avec Edith Nylon engloutissait le stock de vitamines et enregistrait des morceaux pour une compile Subnormal Girls, ça donnerait un truc comme IRSA. Ni post-punk, ni new wave, ni pop rétro futuriste, mais tout ça à la fois, comme la bande-son d'un cours d'aérobic autogéré, et ça boirait pinte sur pinte. C'est bien pour l'aérobic. Bah ouais. Donc on écoute tout de suite encore un pas de côté, IRSA. Pas que ça manque de groupe basque là depuis non on a pas passé aujourd'hui je vais me rattraper avec un hit, vraiment un tube de Streetwise, Biggie Bat, dédié à Stila qui nous écoute. Allez, on envoie Streetwise. Pero ama no vas a tu side. Mi otra le topa back, eres gore. y a notre petite oreille qui nous a dit que Yamawashi qui sortait le prochain disque en octobre de Streetwise. Les infos en direct. Je suis sûr, on aura la première. Vous entendez en fond sonore The Tenors qui nous pardonneront de massacrer ce Massimassa. Il nous reste 30 secondes pour dire d'écouter Radio Campus, de donner rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, pour la 395e édition de Pyongyang Steel Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas. À cab.